Quand nous sommes traumatisés, l'une des plus belles choses que nous perdons, c'est notre capacité à être vraiment présent, à être spontané. Mais en traitant le trauma, nous transformons notre blocage et notre réponse d'immobilité. Nous nous remettons en mouvement avec cette énergie qui a été coincée dans nos symptômes. Ce processus est appelé transformation. Certes, nous avons des symptômes, mais en réalité, guérir le trauma ne consiste pas seulement à se débarrasser de ces symptômes. Il s'agit d'accéder à l'énergie, l'énergie figée, qui est coincée dans ces symptômes et de la récupérer pour nous. Avoir accès à cette énergie, à ces sensations, c'est ce qui nous permet de profiter pleinement de notre vie. Le trauma, ce n'est pas seulement se débarrasser des symptômes. Je ne vois pas le trauma comme une pathologie, mais comme une opportunité. Réussir ce challenge et accéder à notre énergie, c'est une odyssée mythique. C'est le voyage du héros ou de l'héroïne. Et c'est une possibilité qui nous est offerte à tous. Alors comment fait-on? Par quoi commencer ce voyage à la fois mythique et biologique? Je pense qu'il est assez clair à ce stade qu'avec une énorme quantité d'énergie, comme l'Impala sprintant à 100 km/h, une personne est activée au point qu'elle peut soulever une voiture pour sauver un enfant piégé dessous. Cette énergie, lors d'un trauma, est bloquée dans la réponse biologique d'immobilité. Donc, ce que nous devons apprendre pour transformer le trauma, c'est comment aller jusqu'au bout de la réponse d'immobilité. Et la manière de conclure la réponse d'immobilité, c'est de se débarrasser de la peur qui lui est associée, qui est restée coincée dedans. C'est un peu comme ça. Imaginez que votre poing est aussi serré que possible. Puis, vous l'ouvrez d'un coup, là. Vous regardez votre main et vous vous demandez où est passé le poing. Essayez. Serrez le poing. Regardez-le, puis ouvrez-le. Posez-vous la question. Où est passé mon poing? Dépasser l'immobilité, c'est vraiment comme ça. Quand on se détache de la peur, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, il y a de l'énergie. Et le boulot pour transformer le trauma, c'est d'apprendre à vivre avec cette énergie, de lui permettre de s'éveiller en nous, et d'utiliser cette énergie pour aller de l'avant dans notre vie, pour connaître la joie, la vitalité, la spontanéité, la joie de vivre et avoir de bonnes relations aux autres. Alors, en transformant le trauma, nous avons deux grandes alliées. La première, c'est notre biologie, plutôt que notre biographie. La seconde, c'est la mythologie. Chaque fois que l'être humain a besoin de découvrir quelque chose d'important, les deux principales sources à consulter, selon moi, sont la nature et la mythologie, parce que tout ce que nous cherchons se trouve écrit dans la nature et dans les mythes. Les mythes, comme les rêves, ont beaucoup, beaucoup de strates et de sens différents. Je vais vous parler d'un mythe qui, pour moi, a été très éclairant pour la compréhension du trauma et sa transformation. C'est le mythe de Méduse. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce mythe, je vais le raconter brièvement. Méduse, comme vous le savez peut-être, avait un petit truc sympa. Tous ceux qui la regardaient étaient transformés en pierre. Ils étaient pétrifiés. La chevelure de Méduse était faite de serpents venimeux qui s'enroulaient et se déroulaient. Quand on la regardait, on avait peur. Le serpent, c'est quelque chose dont on a peur automatiquement. Mais c'est aussi le symbole de l'énergie la plus profonde. En tout cas, quand nous la regardons droit dans les yeux, nous sommes pétrifiés. Ce que cela nous dit, c'est que dans la transformation du trauma, nous n'allons pas plonger la tête la première dans nos traumas. Ok, donc on fait quoi? Comment fait-on face à nos traumas? Comment fait-on face à notre trauma? Eh bien, reprenons le mythe. Persée, un grand guerrier, s'est mis en tête de tuer Méduse. Pour ce faire, parce qu'il savait que c'était une dure à cuire, il est allé chercher conseil auprès d'Athéna. Athéna est la déesse de la sagesse, et Athéna l'a prévenu de ne jamais regarder Méduse dans les yeux, quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Comment allait-il réussir? Comment allait-il la tuer sans la regarder dans les yeux? Eh bien, pour résumer l'histoire, il avait un bouclier sur le bras. Vous savez, ce bouclier qui protège le guerrier des coups d'épée. Et ce bouclier brillait. Alors, il a réalisé qu'il pourrait voir le reflet de Méduse dans le bouclier, et c'est ce qu'il a fait. Comme il avait son reflet dans le bouclier, il a pu saisir son épée et lui couper la tête. Dans les mythes grecs, quand quelqu'un gît au sol, mort, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est généralement juste la scène 1 de l'acte 1. Ça commence à devenir plus intéressant après. Deux créatures surgissent de la blessure, du sang de Méduse, de l'endroit où sa tête a été séparée de son corps. Ces deux créatures mythiques sont Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier à l'épée d'or. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la symbolique de tout ça? Le cheval, nous le savons grâce au rêve, représente l'incarnation de l'instinct. Les ailes sont la transformation et même la transcendance pour pouvoir voler librement, pour échapper à l'esclavage de nos limites. Ensemble, ils représentent la transformation et la liberté à travers l'instinct, à travers le corps. C'est ainsi que je vois le mythe. L'épée d'or de Chrysaor, c'est cette clarté qui nous permet de trancher les choses. L'épée d'or est la vérité. Et nous en avons besoin pour surmonter la peur de l'immobilité et aller de l'avant avec notre énergie. Il y a une autre partie dans ce mythe. Bien sûr, il existe de nombreuses versions, comme c'est le cas pour tous les mythes. Dans une autre version, Persée recueille le sang dans deux fioles. Une fiole représente la mort, quiconque touche ce sang meurt. Mais le sang de l'autre fiole, prélevé sur la même blessure, a la capacité de ramener les morts à la vie. C'est le voyage que nous commençons à faire. Là où, auparavant, le trauma nous a tués, nous a pétrifiés, eh bien, ce même trauma peut nous ramener à la vie. Et grâce aux instincts de notre corps, il peut nous propulser à des niveaux de bonheur et de grandeur inédits. La clé dans ce mythe, c'est que vous n'allez pas directement à Méduse. Vous n'affrontez pas Méduse en face à face. C'est ce que nous devons apprendre à propos de nos traumas. Le trauma nous aspire. Et si nous y allons trop vite, alors nous faisons face à Méduse. Nous nous figeons et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous retraumatiser. Ce processus nécessite beaucoup de sagesse, Athéna. Des connaissances, Chrysaor et l'épée d'or, et la capacité d'être dans le corps instinctif, Pégase, qui représente le corps et l'instinct. Donc, en transformant le trauma, nous réunissons l'instinct et la connaissance, l'instinct et la sagesse. Et en faisant cela, nous réunissons les fonctions les plus importantes de notre être, la fonction du sentiment, la fonction instinctive et la fonction mentale. Ce processus lui-même est transformateur en termes d'évolution. Maintenant, avec tout ça bien en tête, voyons un peu plus en détail les symptômes du trauma. Mais avant de vous en parler, je veux mettre l'accent sur le fait qu'il est important de prendre les symptômes pour ce qu'ils sont vraiment. Ils ne sont pas une maladie. Ils correspondent à la manière dont notre énergie est bloquée et ils sont des messages qui nous indiquent comment débuter le processus. Je sais que beaucoup d'entre nous ont des symptômes très perturbants et je sais que ce n'est pas si facile de les reconsidérer de cette manière. Mais essayez de garder cette idée, au moins dans un coin de votre tête. Donc, nous traquons Méduse en suivant ses empreintes. Et ces empreintes sont les symptômes. Nous la suivons en gardant une distance de manière à rester en sécurité, de manière à ne pas être directement confronté au trauma. Alors, allons-y. Nous avons parlé auparavant de l'hyperexcitation, qui peut engendrer une accélération du rythme cardiaque, une difficulté à respirer ou une hyperventilation, des sueurs froides, une tension musculaire. Au niveau mental, il peut y avoir une augmentation des pensées, de l'inquiétude et l'esprit s'emballe. Nous éprouvons une sensation de contraction. Nous sommes prêts à nous battre, mais nous n'avons rien contre quoi nous battre. Nous nous sentons menacés et fréquemment en colère. Ensuite, la dissociation, Les choses sont trop intenses dans notre corps et nos mécanismes de défense naturelle font sauter le disjoncteur. Nous pouvons nous déconnecter de cette expérience de terreur et de douleur. Et puis, avec le temps, sous-jacent à tous ces symptômes, il y a de l'anxiété, et souvent de l'anxiété doublée de dépression. Il y a aussi d'autres symptômes. Par exemple, les réactions de sursaut peuvent être exagérées. Vous pouvez être hypersensible à la lumière ou au son, avoir besoin de porter des lunettes de soleil, ou de rester loin de la foule et du bruit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes de toutes sortes qui peuvent survenir. Les symptômes physiques peuvent être plus somatisés. L'énergie se bloque dans un côlon spastique, dans un cou raide, dans des douleurs chroniques du dos, etc. Mais au final, d'une certaine manière, ils sont tous liés au fait d'être bloqués dans la réponse d'immobilité et ou d'être bloqués dans les réactions de combat ou de fuite. Donc, ce que nous devons faire, c'est les mener à terme. Je sais que je l'ai déjà dit, et je le répète, il est plus facile de terminer le cycle d'excitation quand le résidu du trauma est lié au combat ou à la fuite parce que l'énergie est plus facile d'accès. L'énergie liée à la réaction d'immobilité est à un niveau plus profond. C'est comme si on a les vagues, les courants, et en dessous de tout ça, il y a les marées. L'énergie profonde est en dessous de cet océan et nous devons lui permettre de remonter progressivement. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner l'exemple d'une personne qui commence à travailler sur ses symptômes et je vais illustrer cela avec les principes dont nous avons parlé en termes de biologie et de mythologie. J'espère que ça vous donnera une meilleure idée pour entreprendre votre propre chemin. Je vais vous raconter le chemin de quelqu'un d'autre, mais je crois vraiment que cela va vous apporter une idée de ce par quoi commencer.